nocturnes trompent l'ennui en grimaçant sous leurs vers. Tombés sous le charme de la lune, ils chantent la nuit. Ils chantent la nuit. Danse, danse les nocturnes ici-bas. Et s'enfonce dans la nuit sans fond. Danse, danse comme si demain n'existait pas. Danse, danse les nocturnes ici-bas. Qui glisse et s'enfonce dans la nuit sans fond. Danse, danse comme si demain n'existait pas. Thank you. Thank you.